Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir payé sur Start. Vous êtes dans la barrique numérique avec les frères Cassette, là où les jeux vidéo et la bière se rencontrent sans bug. Ni glitch. Sauf pour le bug du 4 mois qu'on n'a pas été en onde depuis un crise de bout. Ben ça, c'est un glitch qu'on fait pas. On fait pas s'en passer. Non. Il y a quelqu'un qui a ouvert le code, qui a décidé de diviser par zéro. C'est ça que ça l'a donné. C'est toujours la même affaire. Fait que moi, c'est Gilles. Et moi, c'est Gaëtan Cassette. Nous autres, on est les frères Cassette. Puis le but de l'émission, c'est de parler de jeux vidéo et de bières, de microbrasserie, de brasserie locale. Ben, c'est ça. Hein? Le plus possible. Autant. Genre. Plus. Puis c'est pas parce que, peut-être pas la battre, peut-être pas ou ben, Molson. Sauf si jamais on finit par boire une bière Archibald, parce qu'Archibald a récemment été acheté par la Batte. C'est vrai. Fait que dans le fond, on a déjà fait ça. Dans le fond, on a déjà pris une Archibald. Oui, une ou même deux, je pense. Parce que c'était pour Tomb Raider, on avait pris la... L'Insoumise, je crois. L'Insoumise, c'est vrai. Oui. Et fort possible, la matante, pour parler de ma tante Gertrude ou une affaire de même. Oh, mais c'était peut-être pas un nom, c'était peut-être une affaire cachée dans le fond de la grange. C'était à ton intervention, ça, qu'on avait... Oui, que je ne me souviens pas du tout. C'est un gros blackout, cette zone-là. C'est ça. C'est que tous les efforts que vous avez déployés pour m'aider n'ont servi à fuck all. Maudite affaire. Ben content de ça. Fait que c'est ça, ça fait fucking longtemps qu'on en a parlé de ces jeux vidéo-là et de cette bière-là. On s'excuse. Ben, premièrement, on aurait aimé ça être là, mais qu'est-ce que tu veux? La vie arrive, hein? Ben oui, la vie. La maudite. Elle arrive. Ah, maudite affaire. Ça pouvait pas exister, la vie, là. Moi, j'ai... Allez, go. fait que, sans tambour ni trompette, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par célébrer notre retour. Oui! T'as-tu des petits fusils à confettis ou... Non, malheureusement, j'ai été passé la dernière fois, justement, intervention, c'était les derniers qui me restaient. Ah, oh, c'était ça que je me sortais du nez! Oui, c'est me ça. Je me mouchais à la main, c'était toute sorte de couleur, j'ai eu peur, là, ouais, bêtement. Exact. J'avais pas fait de la salvia ou quelque chose. Non. D'où le pourquoi l'intervention aussi, mais... Ah, OK. Mais non, ça fait qu'il m'en reste plus. Fait que, ben, malheureusement, la seule chose qu'on a pour célébrer, ouais. Considérant que présentement, on est au mois d'avril, on est le 21 avril, ah, pour ben, ne pas dater. Le lendemain de cette fameuse date de boucan. Ne connais-tu pas le mythe du 420? Ah oui, le 420. Ah, voilà. C'était juste pas clair dans ton... dans ton message, de quoi tu parlais. Toi, t'as besoin d'intervention, littérate. Littérature, Je suis pas sûr que le 420, ça a rien de culturel ou de littéraire. En tout cas, on jase. Ouais, ouais, mais il y a plein de films qui sont laissés influencer, mais on divague. Ben, c'est ça. Fait qu'on disait. Pour célébrer le mois d'avril, puis notre retour, puis tout ça, on s'est dit quoi de mieux pour boire qu'une boisson d'avril. Mais, hein. Fait qu'on a la boisson d'avril de Trou du Diable. Hey. Puis là, il y en a qui vont dire, hey, toi et chose, là, boisson d'avril, me semble que ça me dit de quoi. Ben, qu'un? Ben, tu sais, c'était une toune de Groovy Aardvark, tu sais. Ça se pourrait-tu que la bière soit faite un petit peu en collaboration avec le band Groovy Aardvark? Ben, ça a l'air que oui. Ben, gadons ça. Écoute. Hey. Fait que, une belle petite bière blonde, une lager collaborative. Super. Donc, collaborative, on imagine que c'est la collaboration avec le band. Ouais. C'est un peu le... Je pense que ce qu'ils ont fait pour cette bière-là, c'est un peu l'équivalent de ce que Metallica a fait pour la Budweiser à l'ouverture du centre Vidéotron. Fait que Groovy Aardvark ont plugué leurs amplis directement dans une cuve de fermentation. Oui, oui. Ooh, et puis, oui. Ils ont joué Le Petit Bonheur. Et ou Boisson d'Avril. Je pense que ça devait être Boisson d'Avril. Sinon, ils ont manqué leur shot, pas rien qu'un ben, peu. Ils ont dû jouer leur best-of, Sévis rendu au complet. Tu, question de la brasser bien comme faut. Non, juste pour être safe. T'sais. Ben oui. Fait que, écoute, non, ça parle de la toune en arrière, inspirée des Elohim, cette blonde cristalline dont l'eau provient à partir du Loch Ness, exhale des parfums de fruits interdits, résultat d'un double houblonnage accru. Loch Ness, hein? On parle du lac en Écosse, là. Oh, oui, parce qu'il disait qu'il y avait un passage au Loch Ness, là, sur le Mont-Saint-Hilaire, là. Ah. C'est dans la toune, ça. Ouais. C'est aussi dans la mythologie, là. C'est sur l'album Vacuum, ça. Cette toune-là. Moi, là, à part Boisson d'Avril et Le Petit Bonheur, là, je connais pas grand-chose de Groovy Aardvark. Okay. Moi, être bien honnête avec toi. Là. Moi, personnellement, mon album préféré, c'est Oryctérop. Ok, ben, garde. Si tu le dis, hein. Garde. Check petite rose. Check garde. Des petites bleues. Hein? Si l'homme peut marcher dans l'espace, c'est j'ai mis mes hosties de clés. Ben, check, hein? Hey, mais on va faire du parapente à pied. Ben, mais je divague. Donc, tout ça pour dire, on va ouvrir cette bière. Oui, parce que j'ai soif en tabarslac. Okay. Oh! Oh! Correct, c'est pas grave. Vois-je un nouveau débouche bouteille? Oui, parce que nous sommes dans un nouveau studio! Ah, ah, ah! Alors, si vous, chers auditeurs, vous demandez pour qu'est-ce faire de comment ça se fait qu'on n'a pas enregistré d'épisode depuis 4 mois, c'est pas parce que notre grange a passé au feu. Oui. Peut-être. Mais elle est en train d'être reconstruite. Puis, on s'entend-tu, là, la grange, c'est comme la métaphore pour parler de toute notre structure en ligne de d'hébergement et de hosting. En gros, il y a bien des affaires qui ont changé de notre oui, bord, mais tout ça pour dire, puis tu sais, avec un bébé, puis ces affaires-là qui font en sorte que, tu sais, ça... Les bébés, ça pousse vite en... Ben c'est ça, puis ça laisse traîner ses couches partout, c'est dégueulasse. Ouais. Okay. Finalement, on s'est dit, ben pourquoi pas essayer une nouvelle place à enregistrer. Ben qu'un, puis je sais pas si vous pouvez entendre l'écho, là. Hein? Pas pire, hein? Hey, c'est grand ici, là. Hey, c'est peinturé ici, crime. Hey, grosse affaire. Ouais. Plus high-tech aussi, parce qu'on a un ordinateur collé sur nous autres, puis toi, t'as des écouteurs à cette heure. Ouais, je sais pas pourquoi, ça a l'air c'est nouveau, cette affaire-là. Là. On a-tu un problème d'enregistrement? Ah ben, calice. Ça se pourrait-tu? Ben non, c'est juste le temps qui a arrêté. C'est juste des accroires. C'est sûr que le temps il a arrêté de compter, puis ça c'est moins bon pour nous autres, fait qu'il va falloir qu'on starte cadran solaire. OK, c'est bon. Maintenant. Je viens de planter un petit bâton dans le tiers à chat qui est à côté là. Ouais, c'est toujours quand important. La lune va être rendue en azimut là, on checkera ça. Hey, j'ai soif, on chine-tu là-dessus? Ben chin, est-ce que commençons. Santé, boisson donc. Yes. C'est fun parce qu'on entend bien couler dans ta gorge pendant que t'avales. C'est le cœur. Hein? C'est ça la qualité des micros qu'on a pu mettre la main sur. Oh, ouais, écoute. Ah, oui, écoute, c'est clair mais légèrement opaque. Ben, en fait, c'est on dirait que. C'est comme de la limonade. Ben, quasiment. Ben, honnêtement, à la couleur. Ouais, là, c'est ça. À la lueur bleue de ton ordinateur. Chut. Mais oui, en effet, ça, en fait, c'est. Ouais, c'est ça. C'est pas aussi clair qu'une autre bière. Tu sais, on dirait qu'il y a quand même une. Ouais. C'est comment dire cloudy. C'est ça, c'est nuageux. C'est nuageux dans mon verre. C'est nuageux avec une chance de meatballs. Yes. De cheeseburger. Alors, puis je veux pas dire que ça se rapproche d'une radler, dans le sens où c'est pas supposé être de la limonade style citron comme ces bières européennes très populaires auprès des jeunes femmes. Pas nécessairement juste les jeunes femmes non plus. Non. Mais c'est très rafraîchissant. C'est effectivement une bière d'été que je boirais en grande quantité au soleil, sur une terrasse, les pieds dans les airs. Ben c'est ça, c'est que c'est pas une bière qui a beaucoup de goût nécessairement. Mm-hmm. Mais ça coule bien, c'est bon, c'est pas... Ben, rien de mauvais là-dedans. Quand tu dis pas beaucoup de goût, c'est que c'est pas un goût complexe. C'est pas quelque chose qui est très étagé. Tu sais, t'as quand même le houblon qui est là, on s'entend. Tu t'as une certaine amertume, mais c'est pas, ça punch pas. Il y a pas quelque chose qui ressort plus. C'est vraiment juste une bière qui se boit bien, qui descend bien d'être dans la gorge. Ouais. On en parle beaucoup pour la première gorgée parce qu'on la connaissait d'avance, puis on s'est dit il fallait célébrer plusieurs choses en même temps. Mais on la connaissait d'avance, mais on s'entend qu'elle sort juste en avril. C'est cela. Fait que ça faisait un bout qu'on ne l'avait pas bu. Fait que pourquoi pas la réessayer, tu sais. Ben puis il fallait bien en parler en ondes. Puis Trou du Diable, on est rendu à plusieurs bières du Trou du Diable. On les salue. On les salue. Ces chers brasseurs du Shawinigan. Nord? Oui. Je sais pas si c'est dans le nord de Shawinigan. Ben, c'est au nord du site, là, comparé à nous autres. Je te fais confiance là-dessus, hein? Mettons. Hey, fait que la barrique numérique, c'est deux affaires. C'est la barrique, la bière, puis le numérique qui est aussi les jeux vidéo, alias les bits. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que on va se situer dans le temps. On est présentement le 21 avril. Canadien fait pas les séries. Malheureusement. Ben non. C'est la fête de la reine. On peut-tu dire qu'on s'en calisse? Je pourrais dire qu'on s'en tabarnak. Très bien dit. On apprend aujourd'hui la mort de ce cher prince. Qui est quand même plate. C'est toute la monarchie est en train d'être ébranlée par les événements. Il y a bien des affaires. On n'aime pas ça. En 2016, est rough. Ah ouais. Et pas facile. Puis en parallèle à tout ça, on a joué à bien des jeux vidéo dans nos temps libres. Ben ça a l'air qu'on a fait ça. Fait que, à qu'est-ce que t'as joué toi dans les derniers temps? À qu'est-ce que j'ai joué? Ben, le plus récemment, c'est Enter the Gungeon sur Steam. Oui. Qui est aussi sorti sur PS4, il me semble. Certains diront. Sûrement, j'ai pas revérifié, mais à ce qu'on m'a dit, c'est sorti. Donc un petit jeu roguelite un peu à la Binding of Isaac, Nuclear Throne, ces affaires là. Ouais. Fait que t'as un certain donjon qui est généré aléatoirement. T'arrives okay. là-dedans avec des guns, tu tires tout ce qui bouge. Puis le but, okay. C'est de trouver, dans le fond, c'est d'arriver à la fin, tu sais, battre le dernier boss, puis de trouver le gun qui peut tuer le passé. Ok. C'est à ce point poussé là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est funky. Ouais, mais c'est super simple, tu sais, t'as un bouton pour tirer, t'en as un autre pour faire un, ce qu'on appelle un dodge roll, fait que tu roules en dodgeant, en évitant, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que c'est des pick-up que t'évites ou est-ce que c'est des caravanes? Non, c'est des ennemis que tu sais, ils tirent des balles, là, fait que toi pour éviter ces balles là, ben tu sautes. Quand tu sautes en fait, quand tu fais un dodge roll, t'as un temps d'invincibilité temporaire. Ah, voilà. Fait que ça fait que tu peux passer à travers une balle qui s'en vient sur toi. Oh boy. Fait que, parce que l'affaire, c'est que c'est un peu le principe d'un bullet hell, là. Tu sais, ces fameux schmops où il y a plein de balles partout, puis ouais. Tu sais, faut que t'essayes de survivre là-dedans. C'est un peu ce principe-là. Fait que c'est ça, puis c'est bien le fun. Tu sais, t'as plein de guns genre que tu peux trouver, puis c'est tout genre aléatoire encore là. Okay. Fait que chaque game est différente. Puis souvent, tu as des callbacks à de la culture pop ou d'autres jeux vidéo. Fait que tu vas avoir le gun de Judge Dredd qui est là-dedans. Tu vas okay. avoir des trucs genre qui a rapport à d'autres jeux. Genre, je pense ben, ça me fait penser à un autre jeu que moi j'ai joué un peu, puis toi aussi d'ailleurs, Broforce. Oui, oui, oui. Où est-ce que tous les personnages de films d'action, mettons les plus iconiques, ont été représentés par des bros dans ce jeu-là. Ouais, exactement. C'est assez fantastique et Bro Dread s'y retrouve. Oh, c'est ce qui oui. nous amène à parler de Broforce. Ben justement, parce que moi aussi j'ai joué. Fait que tu vas-y toi, parce que t'as sûrement plus d'expérience que moi. Ben je sais pas, j'ai joué tout seul, j'ai joué à deux, ça pète de partout, ça explose de partout, c'est fou. Mais ce qu'il faut souligner, puis vraiment en parler amplement de ce jeu-là, c'est la direction, je te dirais. La direction visuelle que ce jeu-là a décidé de prendre, ainsi que la direction narrative. Parce que la direction narrative, c'est vraiment film d'action, that's it. Non, c'est, imagine c'est à n'importe quel film d'action, là, t'es garnoté dans un pays de lave, t'es garnoté dans un pays de jungle, t'es garnoté dans un pays d'alien, ben crime, c'est là. C'est tous les scénarios là, que tu te fais dans ta tête là, quand t'es jeune et tu vois des films d'action, ouais, là, ouais, ben ouais. C'est ce jeu-là. Sauf que il faut un petit peu prendre il faut penser que c'est comme si le concept de « je suis américain » est plus fort que tout avait kidnappé tous ces bros-là oui. et s'en était approprié. Parce que tous ces bros-là semblent vouloir la liberté américaine. Oh, c'est le freedom. T'sais. C'est ça. Puis récemment, j'ai vu chez un ami que un des bonhommes qui l'a débarré, c'est Broheart. Broheart? Ouais. Genre comme les lutteurs? Là. Non, pas comme Brett. Plus comme un gars qui est courageux, cœur. Ah! Tu sais, lui, là, ben ouais. Lui, son power-up, c'est juste qu'il crie Freedom vraiment longtemps et fort, puis okay. ça gèle les ennemis dans l'écran. Tu vois, c'est bon. Fait que, en gros, le jeu, c'est du side-scroller, shoot-em-up, avec beaucoup d'ennemis, beaucoup de pew-pew sans effects, là. Toujours. Avec des environnements destructibles aussi. C'est le fun parce que si on se sent pogné dans un coin, on peut tirer un petit passage pour se sauver puis se rendre ailleurs. Fair enough. Des ennemis varient de chiens, de gars, c'est small, medium, large avec des guns de plus en plus forts, avec des gros boss ou ben des hélicoptères. Mais la particularité du jeu, c'est que à chaque fois qu'on sauve un bro, ça nous donne une vie. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut mourir et revenir au dernier checkpoint. Qui est un drapeau américain hissé évidemment. Sur un mât, très naturellement. Mais à chaque fois qu'on sauve le bro, on incarne le bro qu'on vient de sauver. Oui. Fait qu'on est tout le temps en train de changer de personnage, donc de gun et donc de power-up. Et c'est ça qui rend le jeu tout à fait fucked up. Ben c'est ça l'affaire, c'est que c'est jamais pareil. Tu sais, à chaque fois que tu meurs, à chaque fois que genre t'en sauves un, c'est complètement différent. Puis il y en a pas deux qui jouent pareil. Il y a pas de pattern non plus. On sait jamais sur qui on va tomber. Non, en non, fait. Non, c'est complètement aléatoire selon ceux qu'on a déjà unlocké finalement. C'est ça. Fait que tu peux avoir c'est quoi le Bro in Black genre là, le gars de Men in Black, je sais pas comment ils l'ont appelé. Oui, effectivement, non, c'est Bro in Black. Je pense que c'est ça. Lui, il y a son petit criquet qui shoot un laser. Il y a Bro Dredd qui est donc Judge Dredd. Ouais. Il y a Bro McLean. Non, excuse, c'est Bro Hard. Bro Hard. Bro oui. Hard, oui. On a les Brown Dog Saints. Oui. On a. Je sais que t'as Blade, là, mais je sais pas comment ils l'ont appelé, je me rappelle. Bro plus. Aid. Bro Aid. C'est pas très propre, mais on a bien pareil. C'est ça. On a un Chuck Norris, on a un MacGyver, on a Robocop qui s'appelle Brobocop, qui est probablement le meilleur nom qu'ils ont pu trouver pour ça. Mais je pense que le meilleur feature du jeu sur PS4, c'est que quand tu clear un stage, ta manette à flash bleu, blanc, rouge. Ça, c'est assez c'est intense. Malade. Et pas le bleu, blanc, rouge de Canadien, là. Non, non, parce non. Parce que s'il y avait quelque chose qui gagne en ce moment, c'est Broforce. Les Canadiens ont arrêté de gagner depuis... Bon, Carrie, quand est-ce que tu reviens, là? Moutinant. Allez, gars. Fait que tout ça pour dire, Broforce, c'est quelque chose que j'ai joué pas trop pire, mais quelque chose que j'ai un peu beaucoup abusé dans les derniers temps, c'est Darksiders 2, la Definitive Edition, donc l'édition qu'ils ont remasterisé pour PS4. J'aime ça, c'est le fun. C'est un 3D beat'em up RPG open world. Genre. C'est plein de stages, tu level up, tu tues des combos. Moi j'aime ça, c'est le fun. Tu casses pas trop la tête. Des puzzles juste assez. C'est juste assez poussé avec une petite couche là de « Ah ouais, ok, fallait faire ça. » Non, c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. Un bon facteur jouable. Un bon facteur jouable, un bon facteur rejouable aussi parce qu'on peut changer de difficulté. Puis parce que c'est open world, oui, on peut faire certains objectifs dans différents ordres. Non, des combats assez épiques, vraiment le fun, puis ben les power-ups pour accommoder les différents types de joueurs, les ceux qui veulent jouer en distance ou les ceux qui aiment ça vraiment être proches de leur proie quand ils les tuent. Ben c'est bon au moins si t'as le choix, tu sais. Oui, parce oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui te donnent pas le choix quand tu te bats, ben ouais. Là au moins si tu peux t'adapter avec ton style personnel. Non, c'est ça, à chaque fois que tu montes de niveau, t'as un point que tu peux dépenser dans un ou l'autre d'un arbre, et chacun des deux arbres vont te donner des habiletés que tu peux assigné à des commandes sur ta manette. Fait que tu peux vraiment customiser la manière dont tu joues et tu te bats. C'est très intéressant. Puis la courbe d'apprentissage, elle est longue et constante. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu déverrouilles finalement, que tu débarres et que tu viens qu'à te servir. Puis il faut que tu reviennes à des places que tu pouvais pas aller avant, même au début du jeu. Là. Fait que c'est bien le fun pour ça. On aime ça de même. Ouais. À part Broforce, puis Gungeon, entrée, le ça. Entrée dans le gonjon. Je sens qu'en français, c'est moins c'est, propre. Ouais, c'est ça que je sais pas. On dirait que je me sens en sale en le disant. Sais-tu, j'ai pas joué à grand-chose. Ben, j'ai pas joué à grand-chose d'autre. Parce que ça va faire un autre épisode. On parlera d'Uncharted rendu là. Oui, oui, oui. Mais, pas charté. Ouais, c'est ça que j'ai joué beaucoup. J'ai fait les trois Uncharted dans de pas longtemps. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a eu un facteur récurrent de titre à un certain point, autant pour toi que pour moi. Oui. Oh oui. On se le cachera pas. Beaucoup de bons. Beaucoup de bons. Du mauvais. Du mauvais. Mais c'est pour un autre épisode. Ça oui. D'ailleurs, on va saluer tout de suite la gang de la brasserie des deux frères qui vont nous aider en fait pour cet épisode-là. Puis par aider, c'est juste que c'est une bière, deux autres qu'on a présélectionnées d'avance. Alors on attend la nouveauté. Ça sera ça. Mais cela dit, on a fait un petit survol vite comme ça des jeux qu'on vient de jouer pas mal. Un dernier que je suis en train de faire là c'est ouais. C'est pas Farming Simulator parce que c'est plate en tabarnak. Bon, mais ça là, j'ai jamais compris pourquoi t'as pogné. Non, mais ça, à la demande de certains de nos auditeurs et amis Twitter qui veulent qu'on diffuse live, moi je pense qu'on devrait faire un Twitch live party Farming Simulator. Ben écoute, à voir ça, on aurait pu faire ça à soir, on est ici, on a le stock là. Prochaine fois. Arkham Knight, que j'ai commencé. Oui. J'ai un peu de misère. J'ai eu plus de misère avec Mad Max même. Ok. Je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode là. Mais ça pour dire, on est rendu à parler là au gros chunk là. Une grosse nouveauté qu'on a joué pas mal depuis que c'est sorti. Ouais, pretty much. Quelque chose qui a été beaucoup attendu. On en a parlé pas mal dans des E3. Oui. On l'a vu, le monde a dit « Hey, ça a l'air le fun oui. ». On l'attendait, ça a été repoussé. On l'attendait encore, ça a été repoussé. Puis c'est sorti, finalement. On parle ici de... The Division. Oui. Avec l'accent français? Toujours. Parce qu'on a toujours un bonhomme de l'OQLF qui est là. Donc voilà, c'est le pied. Oh, il est dans le coin, il est caché derrière ta fougère, là. Man, tasse-toi, il y a un laser dans ton front là. Encore. Je te dis eux autres. Alors oui, Ubisoft The Division, qui est un third person MMO. Ben, shooter, moi, c'est... cover base. Comment qu'on... Parce que c'est, dans le fond, c'est le principe d'un MMORPG, parce qu'il y a vraiment une partie jeu de rôle dans le sens où t'as des skills que t'acquières, que qui va te donner des... En fait, tu gagnes des niveaux, ça va donner des nouveaux skills. Mais il n'y a pas vraiment de classe. Là-dedans. C'est vraiment t'es toué. Ouais, c'est ça. Sauf que dans ta sélection de skills, tu peux avoir quand même certaines spécialités. C'est ça. Ça va définir finalement les axes de combat, ça. Si on veut. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu massivement multijoueur en ligne. Un peu RPG, mais beaucoup genre un third-person shooter. Ouais, ben moi, la meilleure manière que j'ai pensé à décrire ce jeu-là, c'est Gears of War puis Destiny... font des affaires pas propres dans le fond de la grange. Ah, puis Dieu sait qu'ils l'ont fait. Et boy, et puis ce qui en ressort, c'est The Division. C'est pas mal ça, en fait. Je pense qu'il y a pas d'autre façon de le décrire que ça. Ouais. Mais on a-tu aimé ça? On a-tu pas aimé ça? Gorgée du milieu! Gorgée du milieu, qui, moi, est déjà fini, mais... Tabarnane, ben là, OK, ben, boisson, toi donc, ton micro. Je me boissonne le micro. Donc, tout ça pour dire, bonne bière, moi, je l'aime. À date, ça sonne bien dans la gueule. C'est une bière de soif. On se le cachera pas, là. C'est rien de spectaculaire, mais c'est une bonne bière. Très bien dit. Qui se boit bien. Ce genre de bière de terrasse. T'es sur une terrasse, il fait beau dehors, tu bois ta petite boisson d'avril. Ouais, ouais. Je vous dirais que si vous êtes un... Bon, regarde, faut pas tirer trop de liens avec ça, là, mais si t'es un amateur de, mettons, Corona au soleil, là, parce que c'est une bière de soif légère qui rentre, ben, donne-toi un edge de plus puis va chercher la boisson d'avril. Ben, je pense que c'est ça l'affaire. C'est sûr que c'est pas aussi drabe qu'une Corona ou une Modelo. J'espère pas, bout de vierge. Mais, parce que ça a quand même un peu plus de caractère que ça. Mais tu veux une bonne bière de soif qui va te rassasier, qui va être intéressante quand même, la boisson d'avril, ça remplit le mandat. C'est définitivement, moi, c'est plate qu'elle soit disponible juste en avril. Oui. Mais c'est une bonne chose parce que la restriction temporelle de disponibilité de cette bière-là la rend d'autant plus très satisfaisante. Hashtag Factorial. Toujours Factorial. Toujours. Ouais. Mais c'est comme tu dis, une excellente bière de soif au soleil. On dit soleil, on est en avril, là, mais tu sais. Achetez-vous-en une caisse, gardez-la pour l'été, là, tu sais. On s'entend, là, il est 9h45, il fait encore 18$, là, on est chanceux, là. Ben, chanceux, là, pour ça. Fait que, ben, écoute, tant qu'être, pourquoi pas ouvrir l'autre, t'sais? Pourquoi pas ouvrir l'autre? Parce que, tu sais, on pouvait pas juste avoir une seule bouteille à barrique numérique. Qui sait qu'on serait sinon? Ben, non, c'est ça, fait qu'on s'est dit, tu sais, on va en prendre une autre. Puis surtout que la boisson d'avril, on l'a bu assez vite, elle est à 5%, on est deux dessus. Puis moi, je t'ai dit, je voulais vraiment me saouler comme faut à soir. Fait que on a décidé d'y aller avec le Barley Wine édition limitée de Pit Caribou. Donc, on parle d'une bière extra forte à 9,8%. Oh yes! Ce vin d'orge est brassé avec une grande concentration d'orge fumée au bois de cerisier. Vieilli 3 mois en fermenteur et houblonné à froid avec le délicieux Nelson Sauvin. Cette bière est excellente pour accompagner un steak sur le grill, un saumon fumé ou tout simplement devant un feu de bois avec un bon tabac à pipe. Pas pire. T'as-tu un feu de bois dans ton appart ou... Non, mais j'ai plein de tabac à pipe. Ah, excellent. On va faire une pause ici pendant qu'on va chercher du tabac à pipe. Pendant qu'on remplit nos pipes, tu sais. Tout ça à partir de la main. Fait qu'un petit pchit. Ouais, celle-là est plus rough. Elle est plus rough. Parce que. Ah ouais, ça. Il y a de la cire là-dessus. Ça prend le grinder pour enlever la cire, je pense. Ah, écoute. Ah, on l'a. Oh, ça a pas trop explosé. C'est pas pire. Non. Fait que, on va juste. Regarde, mais mets un fond, on va rincer ça, là. Puis. Ok. Ben, déjà en partant, on voit que c'est pas mal plus brun que jaunâtre. C'est doux. C'est doux et fumé. C'est doux et fumé. Oh, absolument. On va te verser ça. Mais ça, c'était la version soleil parce qu'il restait un petit peu de boisson d'avril dans le fond du verre. Vous comprendrez, chers auditeurs, qu'on change pas de verre entre les bières. On n'a pas cet équipement-là. On n'a pas le budget pour avoir d'autres verres, d'ailleurs. Non. Non, mais là, à voir comment le podcast se porte bien au Québec, je pense qu'on pourrait quasiment starter un beau petit financement social. Là. Ouais, ben ça a l'air, ça a pogné pour les mystérieux étonnants qui eux autres ont atteint, je sais quoi, c'est 16 000 quelque ils chose. Ils voulaient 16 000 $, ils ont dépassé un petit peu leurs 16 000 $ dans le temps voulu. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ben, honnêtement, je les félicite. Là. C'est une crise de job qu'ils ont faite. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est excellent ce qu'ils font, puis ils méritent amplement le succès qu'ils ont. Oui, absolument. C'est le fun de voir que la communauté se mobilise pour permettre à leurs produits tant aimés de pouvoir continuer puis même de s'améliorer. Ces gars-là roulent depuis vraiment longtemps. Oh oui, quand même. Je pense qu'on est tout le temps dû pour faire un peu peau neuve à un moment donné. Puis si c'est pour revenir en force, go for it. Les gars, vous avez bien fait votre job. Je pense que ça démontre juste aussi l'intérêt qu'il y a pour le podcast au Québec. Oui, monsieur. Puis c'est le genre d'affaires qu'on a toujours de la misère à gager parce que, tu sais, on n'en parle pas tant que ça. Puis c'est pas un média qui est si connu que ça. T'sais. En fait, c'est pas connu genre dans les autres médias. On n'en parle jamais. Sauf que. Disons-le comme ça, c'est pas mainstream. Non, c'est ça. Mais tout le monde écoute des podcasts. C'est un peu la beauté de la chose. Puis nous, ici à la Barrique Numérique, on espère combler vos moments de solitude dans le métro ou pendant que vous vous rendez à la job avec nos belles voix. Ben, on espère, si bol. On travaille ces voix-là depuis tellement d'années, bâtard. Fait que avant d'entamer le gros du chunk de la division, ouais, un chin. Chin, fait que barley wine, pit caribou. Tabarnouche. Ah ouais. Ah ouais. C'est très proche d'une porter, je trouve, au niveau du fumé. Mais ça n'a pas la robustesse d'une porter, ça n'a pas l'opacité d'une porter. C'est quelque chose qui est un petit peu plus, je veux pas dire liquoreux, là. Mais en fait, il y a quand même quelque chose d'un peu plus onctueux. C'est sûr, ça reste quand même un barley wine, fait que c'est beaucoup plus liquoreux que juste une bière traditionnelle. C'est ça. Ouais, okay. Fait que c'est très caramélisé, c'est très malté. Mm-hmm. Mais le fumé de ce barley wine-là est quand même particulier. Je veux dire, c'est quelque chose que t'as pas dans toutes les barley wines, tu sais. C'est vrai. Puis, en fait, on devrait dire vin d'orge. Désolé. Attends, c'est écrit barley wine, c'est la bouteille. Parce que je pense que c'est vin d'orge. Ben, t'as un peu... Ben, ça dit bière extra forte, moi aussi. Ben, ici, c'est marqué vin d'orge et barley wine. Fait que, en tout cas, peu importe. Les deux sont... on est-tu dans un pays bilingue? C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis, je trouve que le fumé de ce barley wine-là me rappelle beaucoup le fumé de la revenante de Dieu du ciel. C'est vrai que c'est proche. Ça me rappelle beaucoup ce côté qui est quand même puissant, mais pas désagréable. C'est ça, c'est fumé, mais sans être agressant. Non, c'est ça. Fait que je trouve que ça complimente bien le côté liquoreux de la bière. C'est bien bon dans la gueule. Faudrait qu'on fasse des petites recherches à savoir avec quoi on pourrait faire des accords bière et quoi. Parce que là, si on a des chips aux olives ici, je sais pas. Parce que, écoutez, là, si on est pour manger des chips, ça va ressembler à ça, là. Ce qui est quand même moyen, tu sais, manger pendant un podcast. Fait que ça pour dire, pendant que t'avales ta bouchée. Je vais la rincer, ce sera pas long. Non, c'est ça. C'est un exemple. Non, c'est ça. On a fait ça par exprès. Fait que. The Division. The Division. On a commencé à jouer à ça. On a commencé à jouer à ça pas mal au jour que c'est sorti. Ouais. Puis, tu sais, c'est un jeu qu'on attendait tous. On était tous un peu sceptiques parce que. La brique puis le fanal, t'es pas bien loin, disons. Ben, l'affaire, c'est que ça. Tellement créé d'attente que puis on s'est tellement fait avoir souvent par n'importe quelle compagnie de jeu, tu sais, souvent tu te fais dire ah, ça va être comme ça puis finalement ça a rien à voir là. Fait qu'on avait des je dirais pas des craintes mais tu sais des appréhensions peut-être devant le produit. Fait qu'on s'est dit ben gars, on va l'essayer, tu sais, on va l'essayer là, pourquoi pas là. Les critiques étaient déjà quand même assez dithyrambiques. Bon, c'est peut-être trop gros, le mot, là. C'était pas dithyrambique, mais c'était très favorable à ce jeu-là, là. Ben, c'est ça, tu sais, ça a quand même bien... On avait des bonnes mécaniques très tight, ça marchait. Non, c'est ça, ça a quand même eu... Il y a eu des bons commentaires, il y a eu des bonnes critiques au début, fait qu'on... T'sais, pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas. Mais en partant, j'aimerais souligner le fait que, comme tu disais, là, on pouvait des fois, pendant ces fameuses prestations E3-là, nous promettre des choses. Puis une fois le produit sur les tablettes, c'était plus ça pantoute. T'sais, on se souviendra à un moment donné, là, pour BioShock Infinite, ils nous avaient montré un stage qui était pas là pantoute pendant le jeu. Et ils nous avaient montré un ennemi qu'on a vu pendant 5 minutes seulement. Tu sais, là, ce qu'on nous montre, ce qu'on finit par développer, c'est totalement différent. Pendant un démo de Division, on voyait qu'un gars en ligne venait se joindre à une équipe avec un drone. C'est vrai. Pour les soutenir pendant un combat, et puis nulle part ce drone n'est trouvable en ce moment. Et honnêtement, j'ai pas joué assez pour genre débloquer ce genre d'affaires-là. Fait que tu sais, je me suis jamais rendu compte si c'était là ou pas, mais. Je pense qu'on aurait vu du gameplay ou ben des vidéos YouTube avec peut-être quelqu'un rendu assez loin dans le jeu pour soit débarrer ce feature-là ou quelque chose ou quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression que ça a été coupé. C'est tout à fait normal. Oh, oui, dans une production au jeu, t'as pas le choix, à un moment donné, t'arrives à un point, il faut que tu coupes. Mais qu'est-ce qui se passe dans The Division? Fait qu'en gros, ce qui se passe, c'est que gros outbreak, maladie, pis je sais pas. Mais non. Mais ce gros outbreak, grosse maladie, ça se transmet par l'argent, c'est pas trop clair. Y a un virus. Fait que là, tout le monde commence à être fou, malade, pis finalement, c'est le chaos. C'est le chaos, on se le cachera pas. Manhattan étant ce qu'on appellerait un beau gros lockdown. Ouais, exactement. Elle est barrée tout bas, tout côté. Tu peux pas rentrer, tu peux pas sortir. Sauf non. Toi. Ouais, ben évidemment, parce que tu fais partie de The Division. Ok, The Division, c'est quoi? T'es comme un gars avec une montre ben, ben, ben spéciale. Oh, et puis quand elle flash, c'est comme on a besoin de toi, Chris arrive. C'est ça, là. C'est comme ton boss, il dit « Yo, man, y a de l'overtime à soir. » La roche toute. Il explique-tu comment t'as reçu cette montre-là? Non, hein? Tu l'as. Tu l'as, point, hein? Je pense que c'est comme tu te réveilles un moment donné, là, pis la dent qui est en dessous de ton oreiller, là, ben, c'est une montre. Ah, c'est ça, genre, tu comme à un moment donné, tu l'as, genre, ça apparaît. T'as pas 2-30 sous, t'as une montre. Pis tu sais, t'as mis, pis tu sais ce que ça veut dire quand elle flash. Non, c'est ça. Tu sais où te rendre, tu sais ce que t'as à faire, pis ça se voit. C'est quand même, tu sais, puis t'as pas peur de prendre un gun puis de tirer du monde, tu sais, t'es supposé être un nobody, ouais, mais c'est pas grave. Ça. Mais si t'écoutes comme faux dans les ce qu'ils appellent les safe house dans le jeu, là, ouais. Je commence à voir le bonhomme derrière la fougère. Je pense qu'il y a de la boucane qui sort de ses oreilles. Ben, ce style là, moi. Une... Feature, skill. Là, tu le provoques. Non. Non, mais si. Dans les safe house, il y a des radios qui sont actives, puis on entend un MC en train de dire hey, c'est qui cette gang-là, les Division, là, c'est des agents, ils sont infiltrés parmi nous, puis quand ils sont activés, là, ben là, ils partent en guerre. C'est un peu ça qu'on est finalement. On est juste des genres de soldats déjà entraînés, puis on est prêts au combat au moment où on se fait caler. C'est ça qu'on est. Puis quand on se fait dire go, ben c'est-à-dire quand tu payes sur play, puis que le jeu commence. Là, pretty much. Pas mal ça. C'est ça. Dans le fond, tu vas dans ton garde-robe, tu ramasses ton sac à dos, ta bouteille d'eau Nalgene, tu mets ça après ton sac à dos puis tu pars avec ton gun. Ouais. Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça commence. Tu commences dans Brooklyn, juste en face du pont de Brooklyn. En fait, c'est le pont de Manhattan que t'es en face de. Puis on peut-tu dire à quel point c'est monstrueusement beau? C'est assez incroyable, puis j'ai été surpris parce que souvent, tu sais, les jeux, mettons, sur PS4, sur Xbox One, en tout cas, peu importe, comparé au PC, c'est pas aussi beau. Le niveau de détail n'est pas comparable. Non, c'est ça, mais le jeu, il sort incroyablement bien sur PS4, de ce que j'ai vu. J'ai pas encore checké sur Xbox One, parce que j'ai pas l'Xbox One point, mais sur PS4, il est hallucinant. Ouais. Puis c'est pas nécessairement une question de qualité de texture ou de modèle. C'est beaucoup l'environnement, de la façon qui est faite, de la façon qui est montée, c'est l'éclairage aussi qui est hallucinant. L'éclairage est somptueux dans ce jeu-là. Il est très, très, très bien réussi. C'est un des plus beaux features de tout le jeu. Là. Oh oui. C'est cette ambiance visuelle-là que le jeu nous plonge dedans. Souvent qu'on dit ça, faut-tu que je reformule? Non, c'est correct. Le monde a compris. Puis mélangé à tout ça, les effets de météo aussi. Oui. Parce que tu peux commencer, t'arrives à ton objectif, là, il fait beau, le soleil est en train de se coucher, il n'y a rien, puis t'es rendu juste 100 mètres plus loin, là, puis là c'est le blizzard, mais les lampadaires sont allumés pareil, puis la lumière va percer à travers ce blizzard-là, mais d'un détail vraiment impressionnant. Là. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est réaliste au point où, tu sais, quand je parlais avec d'autres collègues pour du jeu en général, puis tu sais, ils disaient... quand t'as le blizzard justement qui arrive, puis tu sais, t'es à côté d'un lampadaire ou d'un spotlight, là, parce que t'as des gros spotlights genre de construction là, de temps en temps. Mais tu sais, quand t'arrives, quand t'es dedans, tu vois absolument rien autour. Quand t'es dans le spotlight, tu vois rien de ce qui se passe autour. On appelle ça être whitewashé. Exactement. Puis du moment que tu sors de là, tu commences à voir. Tu sais, c'est un peu le principe de genre quand il neige bien fort, puis t'es en train de conduire, tu mets tes hautes, puis tu vois genre rien. C'est dangereux, ça. C'est ça. Épalaire. Puis après ça, ben, tu te rends compte que... tu mets ton triangle orange réflecteur de derrière de tracteur sur ton char pour que tu puisses être vu là-dedans. Ah, parce que tout un char, moi, je conduis juste le tracteur, il est déjà dessus. Fait que je peux pas me casser la tête. Non, c'est parce que c'est ça que je dis. Les chars n'ont pas de triangle orange anges réflecteurs en arrière c'est d'eux autres. Quand je leur fonce dedans avec mon tracteur parce que je roule à 80, là. Ben, 80, c'est un John Deere, man, là. Ça ramasse en tabarnak. Pas pire. Pas pire, je dirais. Fait que non, c'est ça. Surtout quand tu traînes du fumier, là. Ah, écoute, ça niaise pas. C'est vrai quand ça revole un peu partout. Ouais, ça aussi. Mais non, ça, visuellement, le jeu est incroyablement beau. Puis ouais. Justement, tu sais, c'est les scènes que tu vois. Comme je dis, tu commences devant le pont de Manhattan. Mm-hmm. Super. Tu sais, j'ai déjà été exactement dans cette rue-là. Tu sais, j'ai une photo, genre, que j'ai pris. C'est exactement où est-ce... As-tu des preuves? Oui. Continue à parler. Le gars, il s'en va sur Facebook pour me montrer ça. Mais oui, fait pour continuer là-dessus, le visuel du jeu est absolument hallucinant. Et puis, ça aide vraiment à l'immersion du jeu. Parce que ce dont le jeu... ce que le jeu veut de toi, finalement, là... Hein? Bon, OK. À ta peu, là. Non, le one-way qui est là, il est pas dans la bonne direction, là. Hein? Non, ça marche pas, là. Le do not enter, il est pas là. Ce shop-là est pas là. C'est pas vrai. Je te crois pas. OK, ben, j'étais pas là de base. C'était tout inventé. Le jeu veut vraiment t'immerser dans cette ville prise au dépourvu. Oui. Là où... les mécréants, les simples gens qui veulent survivre sont contraints à continuer à vivre. Puis toi, t'arrives là pour essayer de un petit peu régler la marde. Ouais. Puis on a ce sentiment-là de devoir tellement l'environnement il est beau puis propre. Ben c'est pas propre là, mais c'est fucking très lavish. C'est bien ouais. Fait, c'est beau. Puis moi quand je commence ma partie, je suis dedans. Pas à peu près. Ah non, mais c'est le facteur immersion, en tout cas, du moins quand tu commences, est vraiment top-notch. Ouais. Tu as vraiment l'impression que tu as une mission à faire, qui est importante, puis que tout ce que tu fais est important finalement, tu sais. Mais c'est ça. Là, on divague. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On a des missions. Tu sais, c'est le principe, de, comme je disais, des MMORPG. Ou est-ce qu'on donne une... On dirait que c'est d'avoir un petit rot, là. MMORPG. Fait que on te donne une mission, puis tu vas la faire, puis un coup t'as fait, ben tu sais, ça te donne de l'expérience, puis de l'argent, puis ben c'est ça. Mais ce qui est intéressant du jeu, c'est que quand t'arrives sur l'île de Manhattan, tu vas un petit peu essayer de fonder ta base de commandement. Ouais. Et puis c'est de là que les différentes ailes de spécialisation technique pourront être développées. Et c'est un petit peu, mettons, ton Normandy dans Mass Effect, c'est un petit peu, mettons, ta base dans Metal Gear. C'est de là où est-ce que tu vois ta progression du jeu. Fait que toutes les missions que tu fais vont servir à rendre ce poste de commandement-là opérationnel et à 100% opérationnel. Et puis c'est seulement comme ça que on va pouvoir avoir une meilleure aile médicale pour aider les gens ou une meilleure aile technique pour pouvoir avoir des meilleures communications, une meilleure aile de sécurité pour avoir des bouncers ici et là. Exactement. Mais dans le fond, de la façon que ça marche, c'est que tu as des missions pour chaque wing. Finalement. Exactement. Fait que c'est souvent, je veux pas dire des side missions, mais tu sais, plus souvent qu'autrement, ça l'est, là. Puis c'est, dans le fond, c'est ça. Fait que tu choisis celle que tu veux faire. Si maintenant tu veux faire avancer ta wing médicale, bon, ben, tu vas faire juste les missions médicales. T'sais. Oui, parce que seulement si tu débordes certains des features de ces ailes ou wings, là, ouais. Barbecue ou 911, en tout cas, ça dépend. Ouais, c'est ça. Mais les buffalo sont pas payés, par exemple. Les buffalo, moi, ça, c'est pas mal mes préférés. Mais c'est ça, c'est que quand tu vas développer tes skills et puis tes habiletés, dépendamment de ton style de jeu, chaque aile va t'offrir quelque chose de différent. Fait que c'est à toi de décider quelle mission tu vas faire en premier pour avoir seulement les points utilisables dans cette aile-là spécifiquement qui vont te permettre de le débarrer. Fait que, il est là ton choix. Tu décides comment tu montes ton bonhomme en faisant les missions qui t'intéressent le plus en vertu de ce que tu veux faire. Ouais. Puis... les missions se ressemblent pas mal beaucoup, c'est-à-dire va là, tue tout le monde, puis c'est ça. Mais le level design, il est fort. Ouais. Les scènes sont incroyables, puis on peut parler de la fois qu'on a joué ensemble dans le centre d'achat parce que Colin, t'es pas facile. Non. Mais les missions se ressemblent beaucoup, mais en fait, je trouve que les missions secondaires, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ouais. Les missions primaires sont un peu plus différentes, quoique ça revient au même dans le sens où... La seule raison pour laquelle elles sont différentes, c'est toute la narrative qui passe dans l'audio avec la personne qui te parle. Ben, ça reste souvent la même chose va à telle place, tue tous les ennemis, tue le boss, puis tu sais, ça va là. C'est ça. Mais ce qui rend ça intéressant, comme tu dis, c'est vraiment l'environnement. Pis... La variété des environnements. Ouais, exactement. Puis chaque mission, surtout les missions principales, comme je dis, ils sont vraiment dans un environnement différent. Fait que c'est complètement nouveau à chaque fois. Puis ouais. Je pense que c'est plus facile de l'apprécier encore quand t'as déjà été à New York pis t'as déjà vu de quoi ça a l'air. Okay. Je trouve que le jeu représente extrêmement bien New York. Comme tu te sens à New York quand t'es dans ce jeu-là. Tu sais, souvent... Il y a du monde malade, il y a du monde qui vomit, il y a du monde avec des fusils qui tirent dessus. Ça m'arrive régulièrement. Toutes les fois que je vais à New York, je me fais tirer 2-3 fois minimum. Je souhaite bonne chance la semaine prochaine, d'ailleurs. Merci. Ça, on va voir si je vais revenir vivant. Ben oui. C'est ça qui dit. C'est ta petite montre là, qui flash, là, non, c'est ça. mais non, c'est ça. Puis l'avantage, c'est que The Division, c'est un jeu qui est open world, mais... Parce que t'as pas de véhicule, parce que t'as pas genre de navigation à n'en plus finir, ils peuvent se permettre d'avoir des rues plus petites, des trucs comme ça, qui font en sorte que ça fait plus réaliste. Tu sais, dans les jeux comme GTA ou n'importe quel jeu open world, c'est vaste. C'est que c'est très large parce que justement t'as des véhicules, des trucs comme ça, fait que ça quand je pourrais dire, tu sens l'esprit de la ville, tu sais que t'es dans telle ville, mais t'es pas nécessairement. Tu te sens pas que c'est vraiment une reconstitution genre de cette ville là. La cime vient de baisser dans le gars derrière la fourrière. c'est pas pire. J'en gagne des points quand je veux, moi. Fait que je trouve que dans The Division, tu te sens vraiment à New York quand tu joues. Le downscale de l'échelle de la ville en tant que telle a été très bien sélectionné. Parce que comme tu dis, on sent qu'on est dans la ville, malgré que c'est pas à l'échelle, mais c'est tout à fait crédible. C'est tout à fait là. L'affaire, c'est que, en tout cas, pour ceux qui ont été à New York, vont peut-être comprendre. Pour les autres, vous êtes des photos, vous allez peut-être comprendre. C'est que c'est un peu claustrophobique à la limite parce que les buildings sont tellement hauts et t'es tellement toujours entouré de buildings que tu vois pas nécessairement tout le temps le ciel autant que tu devrais le voir. Il y a vraiment un sentiment de confinement, genre où ce que tu te sens genre un peu pogné. Puis je trouve que c'est super bien recréé là-dedans. T'sais. D'autant plus quand tu te bats dans les combats, autant dans des intérieurs que dans les zones extérieures. Parce que maudit que c'est bien fait. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu vois des places que, justement, tu connais, comme une des premières missions, ça se passe dans Madison Square Garden. Oui. Fait que, tu sais, tu reconnais la place, tu vois, genre, l'intérieur, puis tout ça, c'est super beau. Ouais. T'as le tunnel Lincoln aussi. Ouais. Certains landmarks, comme ils disent dans le jeu, qui sont assez Le part du temps, c'est que les landmarks, ça va être les missions principales, justement. Fait que, tu sais, t'as Hudson Yards aussi, qui est comme la place où les trains y vont. Le chantier ferroviaire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, un paquet de places dans même que tu vas reconnaître. C'est vraiment cool. Tu sais, t'as le Chelsea High Line aussi, qui est bien représenté dans le jeu. Le Chelsea High Line, c'était une ancienne ride de train qui, à Star, c'est comme un boardwalk, là, pour ceux qui connaissent, tu sais, les plages en Wildwood ou New Jersey, puis ces affaires-là. Mais tu sais, c'est le même principe, parce que sur la ride, c'est juste des planches de bois avec des arbres, des affaires, puis c'est bien le fun. Mais ils l'ont mis dans le jeu, puis t'as vraiment une ride de train surélevée qui est exactement pareil, qui fait le tour de Chelsea. C'est super le fun à visiter. Et puis, ça aide un tout petit peu à la navigation parce qu'il y a un petit peu de verticalité dans le jeu. Oui. On peut pas toujours monter sur une corde, mais il y a bien des missions qui vont nous amener à monter d'étage en étage. Comme ça, on arrive à un troisième étage de bloc appartement, puis on vient de tuer le boss final. Puis là, pour descendre, on appose une corde qu'on peut descendre. Mais une fois que la mission est complétée, je pense que la corde elle reste là, puis on peut s'en servir pour regrimper plus tard. Il me semble que oui. Voilà. C'est pas très utile parce que c'est pas comme si t'allais retourner dans cette zone-là. Il y a rien à retrouver, sauf peut-être que des ennemis retournent, puis si tu veux grinder, tuer du monde, puis refaire plus d'XP, tant mieux. Toujours. Mais c'est ça, toutes ces zones-là, toutes ces landmarks-là servent à générer des scènes de combat tout à fait épiques. Le système de combat, c'est vraiment la force de ce jeu-là. Ouais. Le cover-based shooting dans ce jeu-là est tout à fait important. Reste pas à ta place. Non. Bouge. Parce que si tu campes, tu vas te faire, comme ils disent en anglais, swarming. Ouais. Surtout à cause de la variété des ennemis, parce que t'as... Écoute, les astis de gars qui courent avec un bat de baseball, là... Ouais, eux autres... Il faut les prendre de la minute que t'es entends crier, parce que... Quelque chose que j'aime pas tant du jeu, c'est la lenteur avec laquelle, une fois qu'on vise avec L2, ou left trigger, ou peu importe, on est capable de viser le gars. Par le temps que t'arrives à viser le gars, ben il est déjà sur toi, puis il te varge deux coups, puis on peut mourir très vite dans ce jeu-là. Non, c'est sûr. Ce qui est le fun, par exemple, c'est que au-delà du fait que, genre, en le regardant, tu peux savoir quel archétype d'ennemi que c'est, il y a aussi une petite icône qui dit toujours le type d'ennemi que c'est. Effectivement. Fait que, à côté de, pas du nom, là, mais de sa barre de vie, tu vas voir, dans le fond, je pense que quand c'est une éclair, c'est justement ceux qui vont te rusher. C'est, ouais, ouais. Tu sais, genre aussi celui qui se comme... Un peu à la Far Cry 3, Far Cry 4, là. Ouais. On va avoir une cible si c'est un sniper, on va avoir une éclair si c'est un gars qui charge, on c'est va avoir, c'est quoi qu'on verrait, un espèce de bouclier si c'est un grunt, ouais. Ce genre de truc-là. Mais c'est ça qui est le fun, ces ennemis-là vont avoir des patterns d'attaque bien différents. Ouais. Scanne ta place, check c'est qui est là, puis d'ailleurs pour scanner la place, on a des power-ups qui nous servent à ça. Oui. Puis les différents power-ups vont varier entre ça, avoir une petite un petit turret là, qu'on peut lancer. Ouais. Avec une grenade. La grenade est bien efficace. Quand même. C'est ça, dans le fond, c'est avec ces skills-là qu'on va voir son style de jeu, dans le fond. Ouais, ouais. Vers quoi on veut aller. Tu sais, moi, le scan, c'était nécessaire. Ça me prenait ça. Tu fais le scan, tu vois les outlines des ennemis apparaître dans la map. Fait qu'au moins, c'est plus facile de pouvoir dire « OK, ils sont là, je sais comment je vais approcher. » Il n'y a rien qui t'empêche de changer de skill aussi. Fait que mettons que tu utilises ton scan, ouais. Tu peux ouvrir le menu, aller changer ton scan pour, mettons, ta grenade si tu l'avais changé. Puis, t'as pas besoin d'attendre que ta grenade se recharge, elle va être déjà chargée. Non, c'est ça. Ça, c'est un feature très intéressant. Cela dit, faire ça en plein combat, c'est pas la meilleure des idées, parce que quand tu poses le jeu, le combat, il est pas posé. Non, mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que vu que c'est un jeu en ligne, ouais. Ben parce que c'est en ligne, tu ne peux pas faire pause. Fait que si tu penses faire start puis voir tout arrêter, ça arrive pas. Voilà. Ce qui peut être très frustrant. Ça m'est arrivé assez souvent de faire comme « Ah tiens, j'ai besoin d'aller faire un petit pipi, puis tu fais pause, puis tu t'en vas, puis tu reviens, puis t'es mort. » T'es aussi bien d'utiliser le fast travel vers un safe house. Ben t'as pas le choix. Non, ouais, c'est ça, effectivement. Mais on se fait souvent avoir parce qu'on va tout le temps tuer des ennemis, tout le temps récolter le butin qui le laisse tomber. Et ce qui nous amène à parler de justement ça, tout l'aspect équipement du joueur. Parce que contrairement à Destiny qui est limité à des bottes, un casque, puis je pense que ton manteau, ouais. Ou quelque chose de même. C'est le fun, on a le double d'articles à changer nous autres dans The Division. Fait qu'on va passer d'un masque, des gants, des protège-genoux, ouais. Un sac à dos, une veste par balle, puis je pense le holster pour notre pistolet, ouais aussi. Qui sert un peu à rien, là, on s'entend, mais qui va donner quand même des skills de plus. Puis tout est basé sur un code de couleur pareil comme Diablo, pareil comme Destiny, pareil comme Borderlands. Puis c'est ça qui est le fun. C'est que si tu prends quelque chose d'une autre couleur qui est plus fort, mais même si c'est une couleur plus forte, les skills peuvent être pas nécessairement supérieurs à ce que tu portes déjà. Ouais. Fait que chacune des pièces d'équipement que tu vas récolter, ils vont te donner soit des bonus dans ta vie, soit ta stamina et puis ton tech. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. En fait, t'as damage, vie, puis tech. C'est ça. Ouais, ouais. Il y a certaines pièces d'équipement aussi qui deviennent customizable, fait qu'on peut ramasser un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça, mais pas toutes. Mais c'est les guns vraiment qui sont le fun à customiser, parce que tu peux apposer des suppressors, des meilleurs trucs de visu, des reloads plus rapides, plus de stabilité. Fait que bref. T'as beaucoup de mods que tu peux mettre dessus. Effectivement, il n'y a pas deux joueurs qui vont être pareils. Non. Tant la variété des objets qu'on peut récolter est très vaste et très grande. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est le fun. On peut quand même être soi-même dans le jeu malgré les limitations ultimes là. Mais tu sais, c'est grosso modo on trouve son compte, oui, puis on trouve son gun. C'est ça qui est important, ton gun, celui que t'aimes, celui qui va bien avec ton style de jeu, celui que tu trouves que c'est le best. C'est ça qui fait que tu progresses dans les missions. Exactement. Puis tu la passion là, c'est mon gun. Mais en parlant de customization, Tu peux aussi... dans le fond, tu as deux niveaux d'équipement. C'est que tu vas avoir ton équipement de base, puis tu vas aussi avoir ton apparence que tu peux changer. Oui, c'est vrai, puis ça. Ton apparence, t'as pas... C'est pas quelque chose qui va changer tes stats ou quoi que ce soit. Non, ouais. C'est vraiment juste l'apparence du personnage. Fait que tu peux changer ton chapeau, tu peux changer ton manteau, tu peux changer tes pantalons, tes bottes. Tu peux même te mettre un foulard de hipster si tu veux. Ouais, c'est ça. Puis c'est juste des trucs que tu vas ramasser souvent. En fait, c'est un autre feature du jeu. Mais quand tu décides de... En même temps, tu te promènes, puis là, il y a un civil qui arrive qui a de l'air amoché. Ça va te dire, ah, tu peux lui donner, mettons, une bouteille d'eau ou une canne de bouffe. Ou, oui, oui, c'est ça. C'est, il y a des consumables que si toi tu consommes, ça te donne des mini boosts. Ouais. Mais qui sont toujours des fois plus. On en profite plus à les donner, justement, si y en a. Ben, c'est ça. Moi, honnêtement, je les ai jamais consommés, puis je les ai toujours donnés. Parce que je. T'es très généreux, toi. Ouais, c'est ça. Ah. Mais l'affaire, c'est que t'en reçois tellement de ces consumables-là. Que finalement, tu check plus vraiment le stock que t'as, puis à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu peux le donner, puis on dirait qu'il t'en manque jamais. Les seules fois où c'est plus touché, c'est quand ils te demandent des medkits, où là, c'est plus... Ouais. Tu sens que si t'en donnes un, ça va peut-être te mettre dans le mal, fait que là, parce tu que tes medkits, t'en as pas souvent, puis ils sont extrêmement utiles, parce que quand tu manges du dommage, t'en manges beaucoup, puis tu sais... Ça fait mal dans la gueule, tu sais. Absolument. Facteur dommage. C'est ça. Mais tout ça... Tout ça. Toute cette patente, là. Tout ça, là. Tout ce qu'on a dit là, ça nous amène à parler du feature online de The Division avec sa particularité très propre et très frustrante, disons-le, la Dark Zone. Ça, je vais te laisser en parler parce que je me suis pas rendu. Bon, ben tu vois, tant mieux pour toi, puis tant pis pour moi parce que je me suis fait vraiment rincer là-dedans. La Dark Zone, c'est quoi? C'est la section centrale de toute la carte de The Division qui est barricadée, en fait. Ouais. Fait que si on suit la narrative du jeu, on a deux zones dans tout le jeu. La zone qui est ouverte, qui est un petit peu ouverte à tout le monde. Mais c'est pas une zone dans laquelle on va pouvoir rencontrer d'autres joueurs, sauf si on se connecte en ligne avec nos parties PSN ou peu importe. On peut jouer en équipe de jusqu'à 4. Faire des missions ensemble, chose qu'on a faite ensemble. Puis tu peux voir, par contre, tu peux voir les autres joueurs dans les safe houses. Absolument. Fait qu'on peut voir qui est en ligne, s'ils sont là en même temps que nous. Ça veut pas dire qu'ils sont nos amis, mais je pense qu'on peut quand même se connecter entre nous pour faire des missions. Dans le fond, c'est un moyen pour les joueurs de se connecter ensemble. Fait que si, mettons, t'es dans un safe house, tu peux voir quelqu'un qui est là lui aussi, puis faire comme, hey, t'as-tu fait telle mission, veux-tu m'aider, puis tu peux connecter avec. Si t'as pas d'amis qui sont disponibles dans ta liste d'amis, en fait, pour faire ces missions-là, ouais. Tu peux toujours aller dans Safe House, puis quêter de l'aide. Ou si t'as juste pas d'amis. Point. Point. Comme notre cousin, là. Ah, lui. Rien à savoir. Lui, les interactions sociales, là. Eh, hey boy, man. Pas facile. Pourquoi porter des chemises, etc. Allez, go. Dans la Dark Zone. Quand on y rentre, on va y trouver jusqu'à combien de joueurs? Je pense que c'est jusqu'à 10 joueurs. C'est possible. Ouais, je pense que c'est jusqu'à 10 ou 12 joueurs. Bref, ça fait longtemps, là, je ne me rappelle plus. Mais c'est de 10 à 12 joueurs humains qui vont être là dans la même zone que nous en même temps. Puis qui devraient suivre la braquette de level dans laquelle on se trouve. Fait que si, mettons, toi, tu es level 17, la braquette devrait être de 15 à 19, mettons. Mettons. On va trouver 9 autres joueurs dans cette braquette de level-là. On n'est pas toujours amis, on n'est pas toujours ennemis. Il y a des gens qui vont être dans la Dark Zone qui sont déjà en escouade ensemble. Et la grosse différence avec le reste du jeu de la Dark Zone, c'est qu'il faut passer par un checkpoint. Ouais. Quand on passe par là, il y a le loading pour justement faire la connexion, la matchmaking puis tout ça. Quand tu arrives là, on le sent tout de suite. Là. L'ambiance est beaucoup plus glauque. C'est un petit peu plus sale. On sent une tension. Le facteur danger... explose, il y a beaucoup plus d'ennemis à chaque coin de rue, ils sont là, ils sont plus nombreux, ils sont beaucoup plus dangereux. Fait qu'il faut prendre chaque pas. Faut y penser avant d'avancer. La précaution est de mise là-dedans, et puis ça veut pas dire que le gars qui est à côté de toi, là, qui t'a aidé à tuer les 10 gars en avant de toi, là, oh, ouais. Ça veut pas dire qu'il va être ton ami. Parce que c'est ça qui se passe dans la Dark Zone, puis c'est ça qui est fucking frustrant. Le gear... Tout le butin que tu peux ramasser là-dedans, oui. Il est non seulement plus fort que ce que tu pourrais trouver dans la map normale, mais tu peux pas le sortir par ton checkpoint par lequel tu es rentré. Il faut se rendre absolument à un extraction point. Ouais. Un point auquel on doit caler pour une extraction. Fait que tu arrives là, tu vas sortir ton petit gun, tu vas lancer ta fusée dans les airs, puis là, tu vas attendre 2 minutes. Quand ça, c'est fait, ça envoie un message dans le voisinage. Évidemment. Les autres joueurs le savent que quelqu'un est là. Les autres joueurs le savent que une demande d'extraction a été faite. Fait qu'il y a du gear à gagner. Puis il est là le problème. Ben, la particularité... Enfin bref, on peut tous se tuer entre nous. Oui. Puis c'est là qu'on découvre les pires facettes de nous ou des autres joueurs de l'humanité en général. Mettons là que t'as du bien mon gear puis ça te tente de l'avoir. Là, tu t'en vas à l'extraction point, tu calls ton hélicoptère, il s'en vient, il y a quelqu'un qui arrive, il va t'aider à tuer les 2, 3, ou 4 vagues d'ennemis qui arrivent vers toi. T'as pas encore eu le temps de mettre ton gear sur la corde de l'hélicoptère, le gars il arrive derrière toi, il te tire une balle dans la tête, tu tombes par terre, il va sortir le emote du « je t'applaudis oh, », oui. Il va ramasser ton butin puis s'en aller. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus insultante que j'ai vécue récemment. C'est frustrant. Parce que oui, pour vrai, on était avec... Je t'en train de jouer, là, il y avait un autre gars... Je le vois arriver, j'y fais un emote de salut, ça veut dire, tu sais, comme « Salut, man, on peut-tu, ouais, comme, ouais, s'aider? » Puis ça, c'était ma deuxième expérience. Ma première expérience de Dark Zone, on était 4 en même temps, on s'est vraiment tout entraidé, on a tout mis notre stock en même temps, ça s'est bien passé. OK, fine, la deuxième fois, je me dis « Peut-être que le monde est juste gentil encore une fois. » Donc, le gars, il m'a aidé à tuer tous les ennemis. Il est jamais venu m'aider quand j'étais mort. Il a attendu que je meure au complet pendant que je mourais, il applaudissait. Puis en revenant au même point, là, le pattern était le même. Il faisait ça à tout le monde. C'est-à-dire, la patate, elle me pompait. Oui. Parce que là, il y avait un vrai challenge. Il y avait un être humain qui a décidé que pour tous les autres êtres humains qui allaient jouer dans cette zone-là, le challenge allait être lui. Ah oh, ouais. C'est ça la force de The Division. C'est qu'on peut décider d'être le boss ou le méchant. Et... pour ça, c'est très bien réussi. Ben écoute, ça rappelle le bon vieux temps des MMORPG que... Tu sais, à cette heure, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas joué genre World of Warcraft pis ces affaires-là. Puis je suis sûr que c'était comme ça dans le temps. Moi, j'ai pas joué à ça, là. Non, mais ça, mais tu sais, moi, dans le temps que je jouais, là, t'es arrivé dans une zone PVP, là, on s'entend, genre, tu te faisais genre tuer, puis la personne restait à côté de ton cadavre jusqu'à temps que tu reviennes en vie. Puis un coup, tu reviens en vie, ben, tu te fais tuer, puis ainsi de suite. Ouais. Puis, tu sais, puis eux autres trouvent ça bien le fun. Tu sais, c'est comme. C'est comme lui, il est level 92, là. Ouais, c'est ça. Toi, t'es juste 17. C'est un peu le concours de celui qui pisse le plus loin. Tu sais, c'est à peu près moi, je pisse plus loin que toi, fait que ta gueule, puis reste dans ton coin. Tu sais. Puis je pense que c'est un peu nécessaire dans le monde du jeu vidéo, mais c'est ça. C'est vraiment. Ce que ça fait, c'est que quelqu'un qui joue. J'allais dire selon les règles, tu sais, quelqu'un qui va être genre quand même smart, tu sais, qui va tuer les trucs de même, mais qui va quand même avoir une étiquette en jouant. Ouais. C'est correct, tu sais, ça te frustre en même temps, tu te dis OK, il joue selon les règles, c'est correct. Mais t'as tout le temps genre un kid de 13 ans qui va te tuer à répétition puis qui se calisse de tout, genre lui le respect, genre il connaît pas ça dans sa vie là. Non, t'sais, parce que c'est lui qui se fait intimider à l'école puis il se défoule dans un jeu vidéo. Ben probablement, tu sais que ce kid-là probablement une enfance très malheureuse, fait que il se défoule. Fais attention avec ça. Là. Moi j'avance rien, mais fait que tu sais à cause de ça, ça fait en sorte que ça peut être très très très frustrant par bout. T'sais. Effectivement. Donc tout ça pour dire, on choisit ses combats. Oui. Si on est pour aller dans la Dark Zone, c'est vraiment à vos risques et périls. Je pense que c'est vraiment pour ceux qui veulent un challenge, qui veulent genre, ouais, qui veulent démontrer qu'ils ont du skills puis qu'ils sont capables de survivre. Oui. Pis... Et puis dans la Dark Zone, quand on arrive au checkpoint, on peut se magasiner des articles qui sont spécifiques à la Dark Zone, donc ouais, des trucs qui valent très cher, mais dont les paramètres sont très élevés, donc des très bons guns, des très bonnes pièces d'équipement. Quand on rentre là-dedans, ben comme tu dis, le challenge est là. On cherche un challenge. On l'a. Est là. À tes risques et périls. Puis la Dark Zone est même séparée en différentes zones de difficulté. Là. Plus que t'es au sud de la carte, c'est moins difficile. Plus que tu vas au nord, c'est... Moi, je suis même pas allé là, passer la zone la plus simple. Là, fait que... Check. Non, c'est ça. Tout ça pour dire que si je regarde ma montre, qui a pas encore flashé d'ailleurs... Non, ce qui est quand même bien. Je pense que ça fait un bon bout qu'on parle de Division. On parle-tu de la bière? Ben, écoute, cette bière-là, ouais, tu sais, on allait dire que ça a gorgé du milieu, mais ça fait comme 12 gorgées du milieu, fait qu'à un moment donné... Tout ça, tu sais, c'est... T'sais, c'est un très bon barley wine. Moi, je trouve ça excellent. Tu sais, les premières gorgées, c'est vraiment le fumé qui ressort parce que c'est le... comment je pourrais dire? C'est la partie peut-être qui est plus facile à remarquer. Mais après une coupe de gorgée rendue en milieu de bière, ouais, ouais, tu goûtes moins le fumé puis tu vois plus la rondeur de la bière. T'sais. Effectivement, je trouve que notre bouche s'habitue à cette bière-là, mm-hmm, puis à s'accoutume en fait à sa robustesse initiale intense, oui, mais qui s'adoucit à chaque gorgée. Oh, oui. Qui est, pis c'est vraiment pas désagréable. Là. C'est, non, c'est, gros facteur yule. Gros facteur yule pour les amateurs de bière avec des goûts de fumée. Puis je pense que c'est à cause de ce facteur fumé-là que ce barley wine-là se distancie d'un barley wine de en guillemets traditionnel, oh, si on veut. Oui. Parce totalement. Parce... Mettons le barley wine de Castor. Ben qui... justement, que j'ai bu hier, puis qui est vraiment... En comparaison, là. Ben ça, puis il est vraiment excellent, mais c'est pas... C'est vraiment dans une classe à part. Le fumé change toute la... Ça change la game. Pense Internet. Pense Internet. Oh man, hey, c'est bière 2.0, man. Mais... Mais non, c'est ça. C'est vraiment une autre classe à part. T'sais. Puis les deux produits sont vraiment excellents, mais ça se compare pas. Puis j'applaudis Pit Caribou pour avoir fait justement quelque chose qui est pas nécessairement dans la norme, mais c'est un produit qui est super bien réussi. C'est sûr que c'est pas le genre de bière que tu bois à profusion, puis t'en bois genre 2-3 bouteilles, puis hey, c'est le fun. Absolument une bière de dégustation. C'est une bière de dégustation, mais quand t'as dégustes, elle est bonne en tabarnak. Absolument. Puis c'est ça qui est le fun de toute la série de produits de Pit Caribou. Je veux pas dire que leurs produits sont génériques, là, très loin, non, de là, mais je trouve que pour une blonde, pour une rousse, pour une IPA, quand ils les font très bien, ce qui, ouais, fait que c'est des bières supérieures à toutes les autres bières, autant de micro-brasseries que des macros qu'on trouve sur le marché. Fait que quand tu cherches une bonne blonde ou une bonne ci ou une bonne ça, Pit Caribou, c'est vraiment déjà dans le top, là. Ah, mais tu te trompes jamais. Puis eux autres, ils ont comme deux séries de bières. T'sais, la série de bières qui est comme la traditionnelle, la classique. Ben c'est de ces bières-là que je parlais. Puis ben ensuite, on a ceux-là. Ben c'est ça, parce que... Puis eux autres sont plusieurs coches au-dessus, déjà, là. Ben oui, pis c'est sûr que... Puis en fond, de tous les goûts, tu vas avoir, parce que t'as la série L'Étoile du Brasseur qui appelle, je pense. Mm-hmm. Puis tu vas avoir, mettons, ce barley wine-là, tu vas avoir des stouts qui vont être différentes. T'as la fameuse Lollipop, qui est, moi, c'est une de mes top bières, mais ça, toi, t'haïs ça pour tuer. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'haïs pas ça pour mourir. J'haïs ça pour faire mourir quelqu'un d'autre. Ouais, exactement, exactement. Genre, ça se met. Là, l'affaire, c'est que ça te met tellement maudit que tu vas aller tuer quelqu'un. C'est... Mais je m'en viens vert, là, attention. Niveau bière sûre, la Lollipop, c'est incroyable, c'est, ouais, super bon. Mais parlant de bière sûre, juste avant de m'en venir ici tout à l'heure, j'ai essayé la Brette Zest saison de Castor. Oui, tu vas aimer ça. Ben c'est le genre de bière, il va falloir que je me pogne. Ouais, c'est bourbon pas cher, c'est un bon zeste très citronné dans la gueule, mais c'est pas sûr. C'est juste assez proche d'une sour ale. C'est correct, ça. Tellement que... Tu sais, c'est limite Radler, là. Non, c'est pas vrai. Radler, c'est beaucoup plus sucré que ça. C'est vraiment de la limonade. Oh. Ça pour dire. Les Radler. C'est dur de déterminer le temps qu'on a passé à parler de Division. Anyway, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On a pas mal fait le tour. Verdict donc sur The Division. Là, tu parles bière versus jeu, là. Ouais. Mettons. God, hey boy. C'est dur à dire. Honnêtement, là, en fait, je dirais les deux pour l'audacité qu'ils ont eue dans leur produit. Je pense que c'est important de célébrer l'audacité puis de faire quelque chose de différent. Mon cerveau est en train de fondre, là, tellement t'es deep. Je pense que Pit Caribou ont mieux réussi leur bière que Ubisoft ont réussi The Division. OK. Mais j'applaudis quand même l'effort. Parce que on s'entend que c'est deux domaines complètement, oui, différents. Mais je pense qu'il y a un effort qui a été fait. Le produit, est-ce qu'il est aussi excitant qu'on nous l'a promis? Peut-être pas, mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun à jouer. Je pense juste pas que je vais pouvoir jouer genre 40, 50, 60, 70 heures de suite puis pas me tanner. Tu sais, j'ai joué peut-être un 15 heures à date. J'ai du fun, mais tu sais, je commence à voir que ça commence à être répétitif, puis je commence à me tanner. Ça redondonne. C'est ça. Fait, mais j'applaudis vraiment l'effort parce que c'est quelque chose que c'est pas tous les studios qui auraient eu le goût de faire, tu sais, de s'embarquer dans quelque chose, parce qu'on s'entend que le studio qui a fait The Division, c'est le premier open world qu'il faisait, il savait pas trop dans quoi qu'il s'embarquait. Ça a été long aussi, là. Ça a été long. Très longue production, ils ont eu quelques embûches. Non, c'est ça, ils ont fait un nouvel engin juste pour ce jeu-là. Mais ils ont fini par livrer. Mais ils ont livré, puis ça a donné un produit qui est super intéressant, fait que j'applaudis l'effort pour ça, puis j'applaudis Pete Caribou pour avoir fait un excellent barley wine fumé. Tabarnouche. Hein? Rien de moins. Dans ma liste. Je vais dans la même direction que toi, je te dirais. Parce que moi aussi, The Division, j'étais comme, bon, pas un autre jeu de même. Puis finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Malgré les quelques frustrations que j'ai eues, tu sais, autant d'avoir de misère à viser le gars qui arrive avec le bat de baseball, que dans la Dark Zone, que tout ça. Le plaisir que j'ai eu en combat de devoir me placer, bien scouter, trouver qui est ma prochaine cible, puis progresser dans mes combats. C'était du très bon moment de jeu vidéo que j'ai eu. Je buvais de la bière pendant ce temps-là. Évidemment. Je pense pas que la bière à 9,6% aurait gardé mes facultés assez sharp, assez aiguisées pour me permettre de bien progresser dans une séance de joute de, disons, 2 heures. Évidemment. Mais toujours est-il que ce barley wine est d'un plaisir en bouche total. Écoute, je te dirais que hashtag factoriel élevé. Toujours. Et dans le sens de The Division, ben c'est ça l'affaire. J'ai joué quand même popé pas mal. Je suis rentré dans la Dark Zone, j'ai vu ce que c'était. Je pense que j'ai eu mon plaisir avec The Division. Je ne retournerai pas d'sitôt. C'est le genre de jeu que, tu sais, on va peut-être retourner un jour qu'il va y avoir genre une patch ou une expansion ou de quoi de même. Les expansions sont déjà annoncées. Tout le plan a été révélé au grand jour. Puis c'est très bien, c'est très bien. Les autres zones de New York, parce que quand même, c'est pas toute l'île de Manhattan qui est débarrée. Non, non, non. Mais on sait que les autres sections de l'île de Manhattan qui ne sont pas accessibles pour le moment le seront plus tard avec les DLC. Je pense que ça arrête à la hauteur de Central Park. Effectivement, semble. Ouais, on n'a pas encore accès. Puis je suis persuadé que ce qu'ils vont faire pour Central Park va être relativement épique. Oh oui, j'ai aucun doute. Nous éprouvons présentement des problèmes techniques. Nous éprouvons présentement des problèmes techniques. Fait que tout ça pour dire que The Division, c'est un jeu qu'on devra revisiter quand les DLC seront là, peut-être. Mais moi, pour le moment, j'ai fait le tour. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Je vais passer à autre chose. Exact. Comme Fallout 4. Peut-être. Comme peut-être Uncharted 4. Peut-être. Comme peut-être le quatrième album de Beyoncé. Non, c'est pas vrai. Je suis déjà sorti plus que 4. Oui, mais c'est parce que son quatrième album s'appelait 4. Tu sais, comme Led Zepp 4, comme Black Sabbath 4, comme Number 4 de Stone Temple Pilots. Il y a plein de quatrième albums d'artistes. Tu sais, quand ils arrivaient à leur quatrième album, là, puis ils se disaient, comment qu'on l'appelle? Ben, 4, là, on a comme plus d'idées. C'est ça. C'est les estis d'artistes-là. Ah, eux autres. Ils grattent une guitare. Bref, écoutez tout le monde, ça a fait longtemps qu'on était revenus. Oui. Merci de votre patience. On existe toujours. Hein, on est toujours là. C'est ça. Ce qu'on veut, parlez-nous de vos jeux. Parlez-nous de vos bières. Parlez-nous de la combinaison des jeux et des bières que vous faites pendant ce temps-là. Parlez-nous, s'il vous plaît. Tout le temps, on aime ça, on va vous répondre. Parce que nous autres, ce qu'on veut, c'est partager la bonne nouvelle de la bière et des jeux vidéo en même temps et ensemble. Dans pas long, on va venir sonner chez vous avec un petit complet puis avec un guide Réveillez-vous. Là. Connaissez-vous la bonne nouvelle de la bière? Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. On a des petits catalogues avec plein de choix. On devrait travailler là-dessus, je pense. Si tu nous donnes 5 piastres, je te donne une canette. Si tu nous donnes 10 piastres, c'est peut-être une bouteille. La seule affaire, c'est que nous autres, on prédit pas que l'apocalypse s'en vient. C'est la seule affaire. On peut trouver un autre genre d'apocalypse. Non, c'est ça. C'est la beeropolique. God, j'ai même pas capable de le dire. Une rupture de houblon s'en vient. Wow! Très sérieusement, on est sur toutes les plateformes sociales. Twitter, Facebook. Lâchez-nous un whack. Puis avec tout ça, je pense que ce qu'on peut dire, c'est merci d'avoir été là. On se rejoint pour le prochain épisode très bientôt. Et puis, oubliez pas de peser sur pause et de cliquer sur save. Exactement. Et à la prochaine. Ciao!